J'ai vendu mon Zedla dans la rue de Lama. Allez, allez, attrapez-moi. On caillasse la cube. 4, 5, 6. On baise la police. 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9. Je représente le 5, 9, 9, 9.